إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui c'est le cours 49 dans la série des durus de Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan et on est arrivé au chapitre 15 si je ne me trompe pas c'est le chapitre 15 qu'on fait maintenant et on explique maintenant le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation du verset qui dit wa anzir ashiratuka al-aqrabin c'est-à-dire avertis tes proches et on a expliqué la dernière fois qu'il s'est dirigé vers Safa et il a commencé à s'adresser à différents membres de sa famille pour les avertir d'Allah subhanahu wa ta'ala puis on va aujourd'hui faire l'explication de ce hadith là inshallah. Toutefois, avant de commencer, je voulais juste vous mentionner que la dernière narration qu'on a expliquée, qui mentionnait les noms de Safwan ibn Umayya et Suhail ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham, semble que cette narration-là, elle n'est pas authentique. Parce que j'ai vérifié qu'elle n'est pas authentique. Mais les autres qu'on a fait avant, elles sont authentiques. Donc, dans le Tahrij que j'ai trouvé, il était mentionné comme étant daïf. Wallahu a'lam. Et après, donc, on avait commencé à expliquer que Abu Huraira, son nom c'était Abdurrahman ibn Sakhr, de la tribu de Daws. Et on a expliqué qu'il suivait toujours le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'il a été parmi les savants des Sahaba qui a rapporté le plus de hadiths que par rapport aux autres. Et on avait expliqué qu'il y avait des gens qui attaquent Abu Huraira parmi les orientalistes et parmi aussi les mubtadi'a comme les shi'a et d'autres. Et donc c'est ça ce que le cheikh explique ici, il dit « وَقَدْ تَعَجَّبَ بَعْضُ الْجُهَالِ فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِينَ تَأَثَّرُوا بِدِعَايَاتِ الْمُسْتَشْرِقِينَ أَوْ بِدِعَايَاتِ الْمُبْتَدِعَةِ فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل فصاروا يتكلمون كلاما سيئا في حق أبي هريرة رضي الله عنه ولكن الله قيب من علماء الإسلام من ضحد هذه الشبهات وردها في نحورهم وبين منزلة هذا الصحابي الجليل من بين الصحابة واهتمامه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك كتابات كثيرة تدافع عن مرويات هذا الصحابي الجليل وتدحض شبهات المستشرقين والمبتدع من الشيعة وغيرهم سيدي كيانا certains ignorants de notre époque qui ont été influencés par les prétentions des orientalistes ou bien par les prétentions des gens bid'a comme les shi'a qui sont étonnés de voir la quantité de hadiths qui ont été rapportés par le sahabi Abi Huraira. Et ils ont commencé à parler en mal de ce sahabi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait des grands ulama qui réfutent ces shubuhats et qui les renvoient contre eux, ceux qui ont lancé ça, comme le Cheikh Al-Mu'allimi, qui a écrit un livre pour réfuter le livre de Abu Rayya, je pense qu'un chiite qui s'appelle Abu Rayya, qui a écrit un livre contre Abu Huraira. Et puis donc ce savant-là qui vient du Yémen, je pense que c'est Abdurrahman al-Muallimi, il a écrit un livre pour le réfuter, qui est très bénéfique. Et il y a d'autres ulama aussi qui ont réfuté à certains mubtadi'a à ce sujet-là, pour montrer que Abu Huraira c'est un des grands sahaba et qu'il a eu un grand intérêt pour la mémorisation des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a beaucoup de hadiths qui défendent la personne d'Abi Huraira et que c'est un grand sahabi et qui réfute les shubuhat des orientalistes et des jeunes bid'ahs parmi les shi'as. Il y en a des shi'as qui détestent Abi Huraira et ils l'insultent, yani. Ils prennent ça comme une chose religieuse, une partie de leur religion d'insulter ce sahabi et d'autres sahaba également. وقال الشيخ قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الآخر أنه قام على الصفا حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين أمره الله أن ينذر عشيرته الأقربين كما أمره أن ينذر الناس عامة لأنه رسول إلى العالم إلى العالم كله ليكون للعالمين نذيرا ورسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس وقد بلغ البلاغ المبين ولكنه اختص عشيرته لأمر الله له بذلك وفي هذا دليل على وجوب المبادرة إلى فعل الأوامر فإنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين بادر بتنفيذ ذلك وإبلاغه ففيه دليل على وجوب المبادرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لا يتوانى إذا بلغه أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبادر إلى تنفيذه ولا يتوانى قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم والإنذار معناه الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه أما البشارة فهي الإخبار عن أمر سار فالله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرا ونذيرا بشيرا للمؤمنين بالخير والجنة ونذيرا للكافرين بالنار والعذاب إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. Bon, qu'est-ce qu'il expliquait le cheikh? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé hein, et il a averti les gens. Et dans une autre narration, il s'est levé sur le mont de Safa, la montagne, une petite montagne qui s'appelle Safa. Lorsque ce verset-là lui a été révélé, c'est-à-dire le verset qui dit « et avertis tes proches ». Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au messager sallallahu alayhi wa sallam d'avertir ses proches, comme il lui a ordonné d'avertir les gens en général, parce que c'est un messager pour les mondes, pour tout le monde entier. لِيَكُنَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Donc son message est général pour tous les mondes, les djinns et les êtres humains. Et il a transmis son message d'une façon claire, hein, et en particulier envers sa famille, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandé de commencer par sa famille. Et donc il y a une preuve dans ça qu'il faut, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un ordre, un commandement, il faut l'appliquer et le mettre en application immédiatement, il ne faut pas attendre lorsque Allah nous donne un commandement. Donc c'est pour ça que lorsque le verset a été descendu sur lui, il a été révélé sur lui, il a tout de suite mis en exécution cet ordre. Et il est parti tout de suite pour transmettre ce message. Donc il y a une preuve que c'est obligatoire d'exécuter les ordres immédiatement lorsqu'on les reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne dit pas, moi je vais attendre, je vais le faire plus tard. Non, aussitôt qu'on attend, qu'on reçoit l'ordre, il faut commencer à le faire. D'accord? C'est comme ça que lorsque quelqu'un, par exemple, il devient musulman, hein, eh bien, il doit commencer tout de suite à commencer à apprendre comment faire la salat et commencer à apprendre les choses qui sont obligatoires pour lui pour être musulman. Hein, c'est pas comme s'il se convertit, tu dis, ok, on va lui laisser le temps pour qu'il commence à faire la prière. Il doit commencer, du moment qu'il a fait le shahadatain, il doit commencer à apprendre que c'est obligatoire pour lui de faire les cinq prières, puis, etc., les autres choses qui sont obligatoires pour lui. Ensuite, le cheikh, il dit, et l'être humain, donc, il ne doit pas attendre. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent, quand quelqu'un se convertit, par exemple, il dit, non, ça, prends ton temps, ne presse-toi pas, vas-y doucement. Et ça, c'est pas bon, en réalité, de faire ça. Parce que la personne, elle va prendre de mauvaises habitudes, de négliger les obligations, et puis avec le temps peut-être même elle va revenir au kufr. Tandis que si elle se prête depuis le début à faire ce qui est obligatoire, et elle commence à fréquenter la mosquée régulièrement, ben il va s'habituer à prendre les ordres au sérieux, puis à les mettre en implémentation aussitôt qu'il les reçoit. Et la même chose pour les ordres comme par exemple le hijab et des choses comme ça. Il y en a des gens qui disent non, il faut attendre, il faut pas le dire parce que la personne est nouvelle, peut-être qu'elle va s'enfuir si tu lui dis ça. Mais c'est pas vrai. Au contraire, même des fois, si tu lui dis pas, elle va pas le faire parce qu'elle le sait pas. Mais si tu lui dis, il y en a des gens au contraire, tout ce que tu lui dis, elle veut l'appliquer, elle veut l'apprendre et elle veut le faire tout de suite. Donc il faut pas toujours penser que les gens vont s'enfuir quand on va leur dire quelque chose, parce que des fois, c'est le contraire. Et puis c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. L'important, c'est que tu as donné à la personne l'information, et ensuite, c'est entre sa conscience et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu lui caches des choses, ou tu lui dis pas les choses, la vérité depuis le début, ben peut-être que ça va prendre, si tu lui dis plus tard, il va dire, mais pourquoi tu m'avais pas dit ça avant? Pourquoi c'est maintenant que tu me le dis seulement? Donc, il faut, comme on dit, pas trop tarder pour expliquer aux gens les principes et les règles de l'islam. Donc le cheikh il mentionne comme preuve de ça le verset 36 dans Sourate Al-Ahzab, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur manière d'agir, dans leur façon d'agir, ou dans leurs affaires en général. Il dit que Al-Inzar, c'est-à-dire d'avertir, comme Allah a dit dans le verset Wa Anzir, ça veut dire d'avertir. Et il explique que l'inzar en arabe, c'est d'informer et d'avertir contre quelque chose qui va arriver qui est mauvais, quelque chose qui n'est pas bon, ou quelque chose qui est mauvais. Et al-bashara, quand tu dis wa-bashir, quand on dit de donner la bonne nouvelle, et de dire que quelque chose d'heureux va se produire. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète pour avertir et pour annoncer de quelque chose d'heureux. Donc c'est pour ça qu'Allah il dit Bashiran wa Nadiran, parce qu'il a annoncé une bonne nouvelle pour ceux qui sont croyants, qu'ils vont avoir le paradis, et pour les avertir s'ils refusent de croire qu'ils auront l'enfer et le châtiment, excepté s'ils se repentissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Ashira, jama'atul rajul alladhina ينتسب إليهم. العشيرة سي لي جان دو سا فامي يعني لي بروش دو سا تريبو دو سا فامي. والأقربين يعني الناس أقرب الناس إلى الإنسان. الأقربين سا فوتي لي جان لي بلو بخي دون بيغسون. لأن القرابة تتفاوت. منهم القرابة القريبة كالآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات. ومنهم الأقارب الأباعد مثل أبناء الأعمام وأبناء الأعمام إلى آخره، فهم أقارب ولكنهم أقارب بعيدون. Cheikh, il dit que les proches, il y a ceux qui sont plus près de toi parmi les proches, puis il y a ta famille de proches qui sont plus éloignés. Les proches qui sont près de toi, c'est comme tes pères, tes mères, tes frères, tes sœurs, tes tantes, tes oncles. Et ceux qui sont plus éloignés, ben c'est comme les enfants de tes oncles et les petits-enfants de tes oncles, etc. Hein? Donc ça c'est ta famille quand même, mais plus éloignée. وفي هذا دليل على أن الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا ثم بجيرانه وأهل بلده ثم يتمدد بالخير إلى من حوله من البلاد أما العكس وهو أن يذهب إلى الأبائد أو إلى البلاد البعيدة ويترك أهله ويترك بلده ويترك أقاربه فهذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى به في هذه الآية فمن منهج الدعوة البداية بالأقارب بأهل البيت كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أمر بوقاية النفس أولا ثم بوقاية الأهلين وذلك لأن الأقارب لهم حق ومن أعظم حقوقهم إرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم وهذا أنفع من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال بل تبدأ بإرشادهم وتوجيههم ودعوتهم إلى الله لأن لهم حقا عليك وليس حقهم مقصورا على الإنفاق وإعطائهم المال. Donc le Cheikh il dit que le da'iya, la personne qui appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ordonne le bien et qui interdit le mal, il doit commencer par les gens de sa maison, ses proches, sa famille proche en premier, puis par la suite par ses voisins et les gens de son village, de sa ville. Puis ensuite, il peut aller dans les gens qui sont autour de lui dans le pays. Mais c'est pas correct de faire le contraire. Comme il y a des gens qui font à des gens qui sont très loin dans d'autres pays, très éloignés, puis ils laissent leur famille, hein, et les gens de son pays ou de sa ville et de ses proches sans guidance et sans leur donner la da'wa. Et ça c'est contraire au manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné dans, ou lui a ordonné dans ce verset-là de commencer par ses proches. Hein? Donc ça fait partie du manhaj de la da'wa de commencer par les proches et les gens qui habitent chez toi. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, sauvez vous-même et vos familles de l'enfer. Qu'au anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Et le combustible de ce feu, c'est les hommes et les pierres. Donc sauvez-vous de cette punition-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de nous protéger nous-mêmes en premier, puis par la suite de protéger nos proches. Des fois, il y a des gens qui oublient de s'occuper d'eux-mêmes en premier. Hein. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qu'au anfusakum » Commence par toi-même en premier pour te guider toi-même, pour te sauver, avant de vouloir sauver les autres, parce que si tu es perdu, tu ne peux pas guider les autres. Donc tu commences par toi-même, ensuite tes proches dans ta maison. Hein. Et ça veut dire de montrer et d'amener les gens de ta famille au droit chemin et de leur montrer qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui va les amener au bonheur et au succès. Et ça c'est la meilleure chose que tu peux leur donner. C'est mieux de leur montrer le droit chemin que de leur donner de l'or et de l'argent. Hein. Il y a beaucoup de parents par exemple qui ont des enfants ou des proches, ils leur donnent des cadeaux, ils leur donnent de l'argent, ils leur donnent beaucoup de choses dans la dunya, mais ils les laissent dans l'égarement. Comme si de pourvoir à leurs besoins matériels, c'était plus important que de pourvoir à leurs besoins spirituels ou à leur foi ou à les choses qui ont rapport avec le Dîn. Et ça, c'est une grave erreur et c'est une grande négligence de leur part de faire ça. Donc le cheikh il dit, tu commences par leur montrer la droiture, puis tu les appelles à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, parce que si tu as des proches, puis ils font pas la salat, hein, et ils font pas les choses obligatoires dans la religion, mais tu leur donnes de l'argent, tu leur donnes des cadeaux et toutes sortes de choses comme ça, mais c'est pas ça qui va les aider au jugement dernier. Donc il faut voir le bien. Après il dit, ثانياً لأجل القدوة لأنك إذا دعوت الناس وتركت أهل بيتك فإن الناس سينقمون عليك ولا يقبلون دعوتك ولا توجيهاتك ويقولون لو كان صادقا لبدأ بأهل بيته يذهب إلى الناس ويترك أهل بيته على المخالفات وعلى المنكر وعلى الجهل ويذهب إلى الناس ويدعوهم إلى الله. هذا ليس من منهج الدعوة. منهج الدعوة أن تبدأ بالأقربين ثم تنتشر الخير شيئا فشيئا على من حولهم. هذا هو المنهج السليم. أما الذي يتعدى بيته ويتعدى بلده ويذهب إلى الناس البعيدين ويدعوهم إلى الله وبيته فيه الجهل وفيه الأخطاء الكثيرة والمخالفات أو في بلده وجماعته الأخطاء الكثيرة والمخالفات فهذا ليس من منهج الدعوة. الشيخ الزكاة يجب aussi commencer par ses proches pour donner le bon exemple aux gens. Parce que si par exemple tu veux appeler les gens à l'islam puis à pratiquer la religion, mais toi dans ta maison les gens déjà sont égarés, sont perdus, les gens vont te blâmer, ils vont te critiquer, ils vont pas accepter ta da'wah. Parce qu'ils vont dire, s'il était véritable, s'il était sincère celui-là, il commencerait par les gens qui sont plus près de lui. Hein? Il commencerait par sa famille. Hein? Mais il va chez les gens qui sont très loin et il abandonne sa famille qui font plein de péchés, plein de choses contraires à l'islam et qui sont dans l'ignorance. Et il s'en va vers les étrangers et il veut les appeler à Allah. Donc le cheikh il dit que ça c'est pas la bonne façon de faire la da'wah et c'est pas le bon manhaj à suivre. Il faut commencer par tes proches, puis par la suite tu répands le bien petit à petit avec ceux qui sont autour de toi, et ça c'est la bonne façon de faire la da'wah. Mais donc c'est ça. Et on connaît des gens, il y a des groupes comme ça, comme Jamaat Tabligh par exemple. Ça fait partie de leur méthode. Ils vont dans des pays très éloignés pour aller faire da'wah, puis souvent ils laissent leur maison dans l'ignorance. Hein? Et il y a aussi d'autres gens comme ça, Yanni, qui pensent qu'ils vont aller faire le bien ailleurs, alors qu'ils oublient même de s'occuper de leur propre famille, et que leur propre famille sont dans l'égarement. Donc il faut prendre ça en considération. وهذا أمر يجب أن نتفطن له، فمنهج الدعوة يؤخذ من الكتاب والسنة، لا يؤخذ من الاصطلاحات والآراء كما عليه كثير من الدعاة اليوم، يأخذون مناهجهم من العادات والآراء والمقترحات لا من الكتاب والسنة. انظروا إلى هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انظروا إلى قوله تعالى، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، فهذا من أعظم مناهج الدعوة. Le chef dit que c'est très important de bien comprendre ce point-là parce que c'est très important. C'est ça le manhaj pour la da'wah. Il faut l'apprendre du Coran et de la Sunna. Il ne faut pas l'apprendre des idées, des conventions des gens ou des opinions des gens, hein, parce qu'il y a beaucoup de du'at aujourd'hui qui ont pris un manhaj ou qui ont élaboré une méthodologie à suivre pour faire la da'wah, qu'ils ont pris de leur propre tête, qu'ils ont imaginé comme ça, hein, ils ont calculé un plan, un système pour soi-disant appeler les gens à l'islam, qu'ils ont développé d'eux-mêmes. Hein, et c'est pas basé sur le Coran ni sur la Sunna, tandis que lorsqu'on retourne au Coran et à la Sunna, on voit le manhaj, il est clair. comme le verset dans Surat Tahrim, le verset 6. Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru, sauvez vous-même et vos familles de l'enfer. Hein? Dont le combustible sont les hommes et les pierres. Et l'autre verset qui dit, hein, et وانظروا الى قوله تعالى, regardez l'autre verset, sourate 44, sourate al-Baqara, le verset 44, est-ce que vous ordonnez aux gens le bien, ou est-ce que vous voulez commander aux gens le bien, et vous vous oubliez vous-même, alors que vous lisez le livre, ne réfléchissez-vous donc pas? Donc ça, ça fait partie de la plus grande façon de faire la da'wah, hein. Il y a des gens qui viennent au Canada, par exemple, et qui disent, nous on vient pour faire la da'wah. Et c'est pas vrai, hein. Ils viennent pas au Canada pour faire la da'wah. Ils viennent au Canada pour faire de l'argent, hein, pour essayer de faire de l'argent du moins, parce que c'est pas tout ce qu'ils réussissent, hein. Ou bien pour d'autres raisons de la dunya, pour étudier, ou bien pour faire d'autres choses. Et puis après ils disent, mais si on vient pas, qui va faire la da'wah aux Canadiens, qui va faire la da'wah aux Américains, qui va faire la da'wah aux Canadiens? Alors qu'ils ne sont pas des gens qui ont la connaissance nécessaire pour faire la da'wah. Ils ne connaissent pas l'islam comme il faut ou suffisamment, puis ils ne connaissent pas la religion des gens qu'ils vont appeler également. Ils ne sont pas bien armés pour être capables de faire la da'wah. Et ils pensent qu'ils vont venir faire la da'wah. Tandis que dans leur pays, peut-être que leurs familles ne sont même pas eux-mêmes sur le Coran et sur la Sunna comme il faut. Peut-être que dans leur famille, il y a des gens qui sont sur pied de bid'ah, plein de mauvaises compréhensions de l'islam, ou même qui prient même pas. Et ils veulent venir ici pour, soi-disant, faire la da'wah aux non-musulmans. Donc, on voit ici le manhaj à suivre. Comment faire la da'wah et par qui commencer et où commencer. Tu commences chez toi, dans ta maison, la da'wah. C'est là que ça commence. Puis, ça commence après, ainsi de suite, dans les choses qui sont autour. Hein? Tu peux pas vouloir nettoyer dehors puis chez toi c'est sale, hein. C'est comme ça l'exemple. الشيخ يقول لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة بادر صلى الله عليه وسلم بامتثال أمر الله وصعد على الصفا الجبل المعروف وقوله صعد الصفا فيه مشروعية أن يكون الخطيب والمبلغ على مرتفع من أجل أن يراه الناس ومن أجل أن يبلغ صوته أو يبلغ صوته إلى الحاضرين والمستمعين. Il dit le cheikh que lorsqu'il est révélé cette aya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a exécuté tout de suite et il est monté sur As-Safa. Et As-Safa c'est une montagne. Tu l'as vu là-bas, hein? C'est plus comme c'était, hein? Avec du marbre et tout, ça, tout a changé maintenant. Et les pierres sont polies, on dirait, ils ont mis du vernis dessus. Donc tout est changé maintenant. Mais quand même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur cette montagne. Et le cheikh dit que ça c'est pour que la personne qui parle, elle est à une certaine hauteur par rapport à ceux qui vont écouter. Puis comme ça, les gens vont pouvoir le voir mieux. Puis sa voix va être plus portante. Comme ça, tout le monde va pouvoir l'entendre comme il faut. Et le cheikh, il dit ensuite, « فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ الْمَعْشَرَ الْجَمَاعَةِ أي يَا جَمَاعَةَ قُرَيْشِ يُقَالُ إِنَّهُمْ مِنَ الْعَشَرَ فَأَكْثَرَ قُرَيْشِ الْقَبِيلَةَ الْمَشْهُورَةَ الَّتِي بُعِثَ مِنْهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من بني هاشم وبنو هاشم من قريش صميم العرب وجيران بيت الله العتيق. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux gens en disant ya ma'shara quraish. Et ma'shara quraish, le cheikh dit que le mot ma'shar ça veut dire le groupe, l'assemblée ou le groupe. Et donc, il dit que c'est un groupe de 10 ou plus. On l'utilise pour un nombre de 10 personnes ou plus. Parce que dans la langue arabe, il y a des termes comme ça très précis pour des nombres de personnes. D'accord? Et le cheikh, il dit que Quraysh, c'est une tribu très connue dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été suscité. hein, c'est de cette tribu-là qu'il venait parce qu'il fait partie de, des enfants de Hashim. Hein. Son grand-père, si je ne me trompe pas, son arrière-grand-père, je crois que c'était Hashim. Et son grand-père c'était Abdul Muttalib, puis son père c'est Abdullah. Ça? Donc c'est ça. Et donc il est de la tribu de Hashim, de la tribu de Quraysh. Hashim fait partie de Quraysh. Donc c'est une des plus nobles tribus parmi les Arabes de l'époque. Et c'est eux qui étaient les habitants qui habitaient autour de la Kaaba, d'accord? Il dit après, ishtaru anfusakum. Donc il leur a dit, ishtaru anfusakum, c'est-à-dire, sauvez-vous, hein, sauvez-vous. En fait, et on va expliquer que ça veut dire. Le cheikh dit, ay, iftaduha min azabillah. Inqadouha min azabillah. بما يشترون أنفسهم يشترون أنفسهم بالدخول في الإسلام وتوحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه هذا هو الذي يشترون به أنفسهم فاقتداء الناس فافتداء الإنسان نفسه من النار إنما يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك لا يمكن أن ينجو من عذاب الله ولو قدم الأموال الطائلة فمن مات على الكفر فإنه لو قدم ملء الأرض من الذهب يشتري نفسه من النار لا يمكن هذا ولكن لو مات على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة فقد اشترى نفسه من النار فلا نجاة من النار إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والموت على عقيدة التوحيد الخالص والسلامة من الشرك من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة ومن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. Le cheikh il dit, achetez-vous, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ishtaru anfusakum, achetez-vous, ça veut dire, achetez vos âmes, yani sauvez vos âmes, c'est ce que ça veut dire, du châtiment d'Allah. Sauvez vos âmes du châtiment d'Allah, et avec quoi tu vas acheter ton âme, c'est dans le sens que tu vas l'acheter, tu vas l'acheter en rentrant dans l'islam. Et en acceptant le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en abandonnant l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est de cette façon-là que tu vas t'acheter toi-même, tu vas te sauver toi-même. C'est comme si tu vas te donner une rançon, tu vas payer une rançon pour te sauver toi-même. C'est ça ce que ça veut dire. Ok? Parce que l'être humain, la seule façon qu'il peut payer sa rançon pour se sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une seule façon, c'est en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et en obéissant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ça, il n'y en a pas d'autre façon pour te sauver toi-même. C'est pas possible de te sauver du châtiment d'Allah par d'autres moyens, et même si tu amenais la plus grande somme d'argent au monde, et que tu meurs sur le coffre, même si tu ramènes la quantité d'or comme la grosseur de la terre, eh bien tu ne pourras pas te sauver toi-même et te payer cette rançon pour te sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas possible. Hein? Mais toutefois, si tu meurs sur le tawhid et sur la bonne aqidah, alors là, tu as payé ta rançon et tu t'es sauvé toi-même du châtiment de l'enfer. Hein, il n'y a pas de moyen donc de se sauver, excepté en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et en obéissant au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la mort sur la aqidah du tawhid pur et de se sauver du shirk, c'est ça qui te rachète. Yani, si tu meurs sur ça, inshallah, tu es sauvé du châtiment d'Allah. Yani. Parce qu'on a expliqué au début, dans les chapitres, au début, que si tu meurs sur le tawhid, c'est garanti que tu rentres au paradis. Soit tu rentres direct, sans châtiment, ou soit tu rentres en enfer un peu, seulement Allah sait combien de temps, après tu sors de l'enfer puis tu rentres au paradis. Parce que tu es sur le tawhid. Contrairement aux mushriks qui restent éternellement en enfer. Donc, le cheikh il dit, celui qui meurt et qui n'a pas invoqué aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a pas mis d'ego avec Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre au paradis. Tandis que celui qui meurt, alors qu'il invoque d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre en enfer. وَلَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. C'est-à-dire, je ne peux rien vous profiter, je ne peux rien vous aider, hein, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Je ne peux rien faire pour vous. Hein, sauvez-vous-même. Il s'adresse à sa tribu et il leur parle de cette façon-là. C'est les plus proches personnes de lui, de sa famille, c'est les gens les plus près de lui. Et il s'adresse à eux de cette façon. Il leur dit, je ne peux rien faire pour vous au jugement dernier. Le cheikh dit, هذا فيه دليل على بطلان التعلق على الأشخاص والتعلق على الأولياء والصالحين واعتقاد أنهم يقربون إلى الله زلفى كما يفعله المشركون قديما وحديثا الذين يتعلقون على الأولياء والصالحين ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله أو وأنهم يتوسطون لهم عند الله ويتقربون إلى الأولياء والصالحين بالذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة والدعاء كما قال الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا زعمهم ولا يزال هذا عند بعض الناس إلى اليوم هناك طوائف كثيرة من عباد القبور والصوفية وغيرهم يعتقدون أن الأولياء والسادة يكفونهم المؤنة ويذهبون إلى أبرحتهم ويتمسحون بها ويذبحون عندها وينظرون لها ويهتفون بأسمائهم ويظنون أن هذا ينفعهم عند الله وفي هذا الحديث وغيره رد على هؤلاء لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وأقرب الخلق إلى الله وأكرمهم على الله يقول لعشيرته وأقاربه لا أغني عنكم من الله شيئا فكيف يتعلق الناس على المخلوقين. Donc le cheikh il dit que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa propre tribu, je ne peux rien faire pour vous, ça c'est une preuve que ce que les gens qui font, que les gens qui s'accrochent à des êtres humains qui sont morts et qui s'accrochent à des gens comme des hommes pieux et des awliya, hein, et qui croient que ces êtres-là peuvent les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils font la même chose que les mushrikines, hein, faisaient dans le passé et actuellement également. Ils s'accrochent à des hommes pieux, à des hommes vertueux, et ils croient que ces êtres-là peuvent intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils les prennent comme des intermédiaires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils se rapprochent de ces hommes-là par toutes sortes d'adorations, comme le fait de sacrifier pour eux, de faire des sacrifices pour eux, de faire des vœux, comme on a expliqué pour eux, un œuvre, de chercher le secours d'eux lorsqu'ils ont une difficulté ou un malheur, ils vont les appeler, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala seul, ils vont chercher un refuge en eux lorsqu'ils ont un problème, et ils vont faire des invocations pour eux, donc, et, ou pas pour eux, mais à eux directement plutôt, Donc ça c'est shirk, comme on a expliqué. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réfuté ça dans le Coran, comme le Cheikh il le mentionne, le verset 18 dans Surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et ça c'est un verset, puis il a mentionné aussi le verset 3 dans Surat Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont pris des égaux ou des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était ça la shubha des mushrikins dans le passé, et c'est aujourd'hui encore, c'est encore ça leur shubha, de dire que ces êtres-là peuvent les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont cette aqidah, même parmi ceux qui se disent musulmans, hein, comme les gens qui, parmi des groupes de gens qui adorent les tombes, parmi les soufis, et aussi d'autres groupes aussi qui croient que les hommes pieux et les asiyad, comme ils les appellent, Sayyid, hein, ils les appellent comme ça dans les pays musulmans, Sidi Ibrahim, Sidi, hein, Sidi Kaza, Sidi Kaza, Sidi Fulan, Sidi Fulan, Allah Mustaan, Nasallallah al-Afiyah, Nah, Aina Sah, Sahih. نعم الله المستعان يعني سسا نعم صحيح الله المستعان نعم هذا لابد من الدعوة لابد من التعليم نعم لابد من التعليم والدعوة في بلاد المسلمين اي نعم نعم صحيح ان شاء الله ولكن لا نيأس من هدايتهم ان شاء الله ولكن ان شاء الله الله سبحانه وتعالى سيصلحه ان شاء الله امين امين اي نعم آمين أي نعم آمين بارك الله فيك نعم بارك الله فيكم donc le cheikh il explique ça comme on sait tous ça c'est des choses qui se passent dans les pays musulmans et il faut que il y ait de l'éducation des musulmans et la da'wa pour montrer aux musulmans leur religion, qu'est-ce que c'est le tawhid, qu'est-ce que c'est. Et une chose importante aussi, c'est parce que des fois on voit que dans les pays, comme ici par exemple ou en Europe, on voit qu'il y a des musulmans, ici on le voit moins, mais en Europe on le voit encore plus, c'est que les gens ils ramènent de leur pays d'origine l'islam qu'ils ont connu dans leur pays. Et étant donné que beaucoup d'entre les musulmans n'ont pas connu le Coran et la Sunna, ou bien disons le manhaj des salaf dans le pays des musulmans, ben quand ils arrivent dans les pays étrangers, c'est ça ce qu'ils amènent avec eux. Un islam qui est mélangé avec la tradition, qui est mélangé avec des superstitions, qui est mélangé avec toutes sortes de coutumes et de l'ignorance. Des fois c'est basé sur des bid'as aussi. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Et des fois, on voit que beaucoup de frères, bon, ils font de la da'wa ici, et ils font de la da'wa aussi en Europe. Toutefois, c'est dans les pays musulmans qu'il faut concentrer la da'wa. C'est dans les pays musulmans qu'il faut qu'il y ait de l'éducation. Et c'est là-bas qu'il faut concentrer nos efforts, pas ici. Parce que, Inch'Allah, si les musulmans dans les pays musulmans commencent à revenir à la bonne compréhension de l'islam, eh bien, par la suite, quand ils vont sortir de leur pays, eh bien, ils vont amener avec eux la bonne compréhension de l'islam. Mais si dans leur pays d'origine, ils sont avec une fausse compréhension et plein d'erreurs, mais quand ils vont venir à l'extérieur, c'est ça ce qui arrive maintenant. Et là, ils essaient bon, quand ils arrivent ici, tout le monde est divisé, tout le monde est mélangé parce que personne n'a vraiment connu la religion à sa source et dans sa pureté. Donc, ils sont tous divisés sur toutes sortes de différentes compréhensions. Puis, ils pensent qu'en faisant des ententes et des coalitions, comme si tout le monde travaillait ensemble, ils pensent que c'est de cette façon-là qu'ils vont réaliser quelque chose. Mais en réalité, c'est pas comme ça. Quelqu'un peut, d'Aqiqa, cher Afouane, ils peuvent pas, chaque groupe peut pas rester accroché à qu'est-ce qu'il tient de son côté, puis penser que ils vont réunir les musulmans. Il faut qu'il y ait une entente sur les principes, que on va s'entendre pour se réunir, mais sur une base commune, pas comme une union comme ça n'importe comment. Et cette base commune, c'est bien entendu, ça doit être le Coran, la Sunna et la voie des salaf salih. Hein? Sinon, toute tentative de réunir les musulmans sur autre chose que ça, ça va toujours amener à un échec. Et la preuve, elle est là. Que ça n'a jamais, ils n'ont jamais réussi à aucune union réelle entre les musulmans. Ils vont s'unir pour des projets, ils vont s'unir pour un événement, mais ils ne vont pas s'unir réellement comme on parle dans l'islam, d'unir les cœurs, hein, sur une même aqidah et sur un même manhaj, comme les sahaba étaient unis à l'époque. Et donc ça c'est important de comprendre ça. Et donc c'est pour ça que le cheikh dit que, comme on revient au sujet, que on a constaté que il y a des musulmans dans les pays musulmans, ils croient aux awliya, ils croient aux saints, ils vont à leur tombe, ils vont se frotter à leur tombe, ils vont égorger ou sacrifier des animaux pour eux et faire des vœux comme ça à leur tombe, et ils vont invoquer leur nom lorsqu'ils ont des malheurs et ils croient que ça va les aider auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans ce hadith, et dans d'autres hadiths également, il y a une réfutation de ces gens-là. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est la plus noble des créatures, et la plus rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la plus honorée par Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré ça, il dit à ses proches et à sa famille, je ne peux rien faire pour vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, comment par la suite quelqu'un pourrait essayer de s'accrocher aux êtres humains, puis penser que les êtres humains vont leur amener quelque chose de bien? Ça c'est absurde de penser ça. Hein? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien faire pour sa propre famille, wa alaykum salam wa rahmatullah, et bien comment tu penses qu'il va faire qu'un autre qui est moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en degré, comme par exemple un wali parmi les awliya, un homme pieux parmi les hommes pieux, qui n'a même pas le statut, ou qui n'est même pas rapproché du statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu penses que celui-là, il va être capable de faire quelque chose pour toi, alors que tu n'es même pas un des proches, hein, de ces femmes-là, et tu es très éloigné de lui? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut même pas aider ses proches, donc il ne peut pas aider encore moins les gens qui sont plus éloignés de lui, dans ce sens-là. Le cheikh est dit par la suite, « فالواجب أن يتعلق الناس بربهم وأن يتقربوا إليه بالطاعة والعبادة وأن يخلصوا له التوحيد وهذا هو طريق النجاة. أما التعلق على المخلوقين ولو كانوا أنبياء أو صالحين أو أولياء فإنهم لا ينفعون من تعلق بهم وتوسل بهم أو بجاههم أو بحقهم، هذا كله باطل وتعب بلا فائدة، بل هو ضلالة. وقد صرح الله جل وعلا في القرآن بهذا حينما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا صريح لا يحتاج إلى كثير تأمل لأنه واضح من الكتاب والسنة، ولكن الشيطان سول لهم وأملى لهم واتبعوا العوائد واتبعوا وقلدوا أهل الضلال ومشوا على طريقهم وتركوا الكتاب والسنة، والله جل وعلا قريب مجيب لا يحتاج إلى من يبلغه عن خلقه إلى من يبلغه أو يبلغه عن خلقه وهو قريب مجيب، يعني يبلغه عن خلقه وهو قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وينزل سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. لم يقل لنا قدموا حوائجكم إلى الأولياء والوسائط وهم يقدمونها لي، بل إنه سبحانه هو الذي تكفل بالإجابة وطلب من عباده أن يتقربوا إليه ويدعوه ويستغفروه وأن يسألوه لماذا يذهب المخلوق إلى غير الله. هذا من غرور الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. والحق واضح والحمد لله ما فيه خفاء، ولو أن الناس استعملوا عقولهم وبصائرهم وأقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدوا الحق واضحا لا خفاء فيه. Le Cheikh il explique dans ce paragraphe que donc l'obligation c'est que les gens s'accrochent à leur Seigneur et qu'ils accrochent leur cœur à leur Seigneur dans le sens qu'ils mettent leur foi en Allah seul et ils ne cherchent pas à se rapprocher à lui excepté directement, c'est-à-dire par l'obéissance et par l'adoration, et qu'ils rendent, wa alaykum salam wa rahmatullah, et qu'ils rendent leur tawhid pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la voie de du salut, c'est la voie du salut et c'est la seule façon de se sauver de l'enfer. Mais de s'accrocher aux créatures, même si c'était un prophète, même si c'était des hommes pieux ou des awliyas, ça ne peut rien te profiter de t'accrocher à ces êtres-là et de passer par eux ou de demander par leur statut ou par le droit qu'ils ont ou quoi d'autre, peu importe quel autre moyen que tu peux utiliser qui ressemble à ces moyens-là. Tout ça c'est faux, c'est-à-dire tu ne dois pas demander par quelqu'un, comme certains parmi les gens de Bid'a, qu'est-ce qu'ils font. Et quand ils demandent à Allah, au lieu de demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala, ils demandent par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une bid'a. C'est pas permis aux musulmans de demander à Allah par quelqu'un ou par son statut. Ça fait partie des bid'a. Les sahaba ils n'ont jamais fait ça. Et certains parmi les gens de bid'a ils prétendent que ça c'est de faire le tawassul. Et en réalité c'est pas ça de faire le tawassul. Faire le tawassul par quelqu'un, ça veut dire que tu dis à cette personne, fais un dua pour moi, alors qu'il est vivant. Comme si par exemple je dis à Aïssa, fais un dua, si je sais qu'il va en voyage ou quelque chose comme ça, fais un dua pour moi. Ça c'est permis, ça c'est, tu peux dire oui, c'est un homme pieux, tu penses qu'il est pieux, tu as l'impression qu'il est pieux, donc tu lui dis de faire un dua pour toi. Mais de demander à quelqu'un qui est mort, ça c'est pas le tawassul, ça c'est pas permis, ça c'est shirk. Ou bien de dire je demande par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par Isa, ou par Moussa, ou par Ibrahim, ou par n'importe qui, ça aussi ça fait pas partie de la sunnah. c'est une bid'a de faire ça, c'est pas permis. Et ça peut amener les gens à tomber dans le shirk. Donc c'est très dangereux en réalité. Et ça fait pas partie de qu'est-ce qu'on appelle tawassul. Mais ça, ça fait partie des jeux que les soufis font et les jeunes bid'a font. Ils utilisent ce mot-là pour faire croire aux gens, hein, que c'est correct. Alors que tawassul, c'est pas ça du tout. Et donc, si tu fais tout ça, tu te fatigues pour rien. Hein, en même temps, tu t'égares. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, si tu regardes dans le Coran, c'est très clair. Lorsqu'il parle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dis, ô messager d'Allah, dis aux hommes, je ne possède pour moi-même aucun pouvoir de m'amener du bien ou de repousser un mal. Hein, je peux pas ni m'amener du bien, ni faire du mal. La amliku li nafsi naf'an wa la darra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça. Je ne possède pas le pouvoir d'amener un bien ou d'éloigner un mal, ou de faire un bien ou un mal pour moi-même, excepté par la permission d'Allah, excepté ce que Allah a voulu. Et après, le verset continue en disant, et si je connaissais l'invisible, si j'avais la connaissance de l'avenir et la connaissance de ce qui est caché, j'aurais fait que tout le bien m'arrive et que aucun mal ne me touche. Hein? Et après, le verset continue en disant, et je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles pour les gens qui sont des croyants. Donc, on a vu l'exemple dans la bataille de Uhud, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé durant la bataille. S'il connaissait l'invisible, et s'il savait l'avenir, il aurait évité les blessures. Il avait fait en sorte qu'il ne soit pas blessé. Mais ça, c'est la preuve que c'est un homme. Hein, c'est pas un homme, il n'a pas des pouvoirs surnaturels, hein, et il n'a pas la capacité de connaître l'avenir, hein, il ne connaît pas l'invisible, et donc il ne peut pas nous amener du bien ou nous éloigner du mal, parce qu'il ne peut même pas faire ça pour lui-même, donc encore moins pour les autres. Hein. Donc ça c'est l'exemple, et le cheikh il mange, ça c'est le verset 177 en sourate Al-A'raf. Ensuite, il mentionne un autre verset qui dit, en sourate Al-Jinn, les versets 21 et 23, dit aux hommes, dit aux gens, je ne possède pour vous ni la capacité de vous nuire ou de vous faire un mal quelconque ou bien de vous guider. Hein? Dit aux gens, je ne peux pas vous protéger contre, je ne peux protéger personne contre Allah. Hein? Et je ne peux pas trouver en dehors de lui aucun refuge. Hein? Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que transmettre le message d'Allah. C'est ça son travail, c'est ça son devoir. Et ça, c'est clair et c'est explicite. On n'a pas besoin de beaucoup de réflexion, beaucoup d'observation. Quand on lit ça, c'est clair. À première vue, tu vois tout de suite, tu comprends clairement les choses. Parce que le Coran et la Sunna sont des livres clairs. Mais le shaytan, il a réussi souvent à égarer les gens en les faisant suivre les traditions, en les faisant suivre aveuglément les gens qu'ils respectent, sans savoir si ce qu'ils disent ou si ce qu'ils font est réellement basé sur quelque chose de vrai. Et comme on a expliqué dans le dars de Al-Usul al-Sitta, on a fait mercredi passé, on a vu des exemples de ça. On a vu des exemples comment les ruses du shaytan, comment ils ont réussi à éloigner les gens du Coran et de la Sunna, de différentes manières. À un point tel qu'ils ont dit aux gens, vous n'avez pas besoin de lire les textes, vous ne pouvez pas les comprendre. Venez nous voir, nous on va vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Nous, on va vous expliquer ce que c'est dans le Coran, qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Et ils ont amené les gens à suivre leurs imams ou leurs chefs d'une façon aveugle et les égarer du droit chemin de cette façon-là. Parce que les musulmans, beaucoup de musulmans, ils lisent pas le Coran. Ils savent pas ce qui est écrit dedans. Des fois, il y a des gens, quand je les rencontre, des fois dans la rue, je parle avec eux, ils me disent, oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran telle chose. Et c'est même pas une ayah dans le Coran. Des fois, c'est un hadith. Ils le prennent pour une ayah. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas lu le Coran comme il faut. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça à propos des juifs. Hein. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. Donc il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas lu le livre, mais ils ont suivi comme ça les traditions et se sont éloignés du Coran et de la Sunna. Ils ont suivi leur guide, leur chouyour aveuglément. Et ça c'est dangereux, yani. Et ça c'est la meilleure façon de s'égarer du droit chemin. Et il y en a aussi qui disent ça comme ça. Hein, mon grand-père c'était un grand chef, un grand imam dans mon pays. Ça souvent on rencontre des gens comme ça. Tu les vois, ils font pas la salat, ils font pas rien de ce qui est obligatoire. Tu vois une femme qui porte pas le hijab, rien. Et elle dit, moi mon grand-père c'était un grand chef dans mon pays. D'accord. Et toi, qu'est-ce que t'es? Hein? Comme mon professeur il disait en arabe saoudite, un poème, ليس الفتى من يقول كان أبي ولكنه من يقول ها أنا ذا. Ça veut dire, c'est pas la personne, c'est pas l'important qui dit mon père était un tel. L'important c'est qu'est-ce que tu es toi, celui qui dit voici, me voici moi, c'est ce que je suis. Donc, peu importe qu'est-ce que ton père a fait, ton grand-père a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa propre tribu, à ses propres enfants, même à sa propre fille Fatima, radiallahu anha, il dit, je peux rien faire pour toi, avec Allah subhanahu wa ta'ala, je peux rien faire. Donc, même si ton père c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, si tu ne fais pas le droit et les choses bien, si tu ne suis pas la voie, il ne peut rien faire pour toi. Donc, si toi, ton grand-père, c'était un grand imam de l'islam, il ne peut rien faire pour toi au jugement dernier. Et ton grand-père, il ne peut rien faire pour toi au jugement dernier. Chacun, il va être jugé pour ce qu'il a fait lui. D'accord? Donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de nous. Dans le sens que, il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui transmettre notre dua, pour lui transmettre notre invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'entend. Il n'y a pas besoin d'intercesseur, d'intermédiaire, pour qu'on passe par quelqu'un, qui passe par quelqu'un, qui passe par quelqu'un, pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. On n'est pas des chrétiens, ou des juifs, ou d'autres religions, qui passent par des intermédiaires. Hein? On peut aller directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou d'interprète, de traducteur. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous comprend. Même si on lui parle dans une autre langue, il comprend ce qu'on dit. Hein, il entend ce qu'on dit. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, c'est pas la même chose. Oui, mais eux, ils veulent pas dire ça. Tu le sais, tu étais chrétien, toi, avant aussi, donc tu devais le savoir, hein. Non, peut-être. Non, tu sais qu'est-ce qu'ils font quand ils prient. Ils prient directement à Jésus. Hein? Oui? Ah, quand ils prient. Oui, il y en a qui. Ouais, ouais, bon, que ce soit des protestants, même les témoins de Jéhovah, ou les conseillers, même les témoins de Jéhovah, ils disent que. Ils ne croient pas en la Trinité. Pourtant, quand ils prient, ils prient au nom de Jésus. Hein? Ils disent que c'est. Et les protestants, la même chose. Ils prient à Jésus. Et pour eux, Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, c'est Dieu. Donc pour eux, si tu pries à Jésus, c'est la Trinité. Donc, que ce soit Jésus ou le Père ou le Fils ou le Saint-Esprit, pour eux, les trois sont un. Donc, que tu t'adresses au Fils ou au Père, ou comme ils disent, pour eux, c'est la même chose. Tu comprends? Dans ce sens-là, yani. Donc, il y a ça. Puis après, donc, il est proche. Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt, il entend notre doigt. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, alors je suis prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'évoque, hein, lorsqu'il m'appelle, alors qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi pour qu'il soit bien guidé. C'est le verset 186 dans Surat al-Baqarah. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il entend notre appel et il nous demande de l'invoquer directement. C'est clair, je réponds à l'invocation de celui qui m'évoque, lorsqu'il m'évoque. Il n'a pas parlé de passer par quelqu'un. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, dans chaque nuit, il descend au dernier des cieux, hein, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander quelque chose pour que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander pardon pour que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir pour que j'accepte sa repentance? Il n'a pas dit, hein, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, demandez ou faites passer vos demandes par les saints ou par les intermédiaires et eux ils vont me les présenter. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit passer par quelqu'un qui va me transmettre vos affaires, vos prières. Il a dit demandez-moi directement. Donc, on n'a pas de raison de passer par d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui il se charge de la réponse, de nous répondre et de nous exaucer. Hein. Et il a demandé à ses serviteurs de se rapprocher à lui et de l'invoquer lui et de demander pardon à lui et de lui demander à lui. Donc, pourquoi les créatures vont aller demander à autre que Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça, c'est une tromperie du shaytan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de ça. Et il dit que la vérité, elle est claire. Hein, il n'y a aucune chose cachée dedans. Mais les gens, hein, les gens utilisaient leur raison et ils observaient comme il faut, hein, et qu'ils retournaient au Coran et à la Sunna, ils auraient trouvé la vérité clairement. Hein. Alaykoum salam, mais malheureusement, comme on a dit, les gens se sont écartés de la révélation. Et c'est pour ça qu'ils sont égarés. Hein? On a parlé de ça mercredi passé, on a donné beaucoup d'exemples de ça. Cheikh dit, وَقَوْلُهُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ لَا أُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا عَمَّمَا صلى الله عليه وسلم في الإنذار لجميع قريش وجميع بطونها Donc il a dit en général, à la tribu au complet. ثم خص صلى الله عليه وسلم الأقربين إليه. فقال يا عبد المطلب أو عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يغني عن عمه شيئا فكيف يغني عن غيره؟ وإذا كان أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام واستمر على الشرك وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيه سورة تقرأ إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب التب هو الخسارة وتب معناه الخسارة وما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كان كافرا فلم ينفعه قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو طالب مع قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته للرسول صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه لما أبى أن يسلم قال وهو عبد على ملة عبد المطلب، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، أنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Le chef dit ici que après qu'il ait donné un appel général à sa tribu, il a commencé à spécifier certains membres de sa famille. Et il a commencé par son oncle Abbas ibn Abdul Muttalib et lui a dit « Je ne peux rien faire pour toi contre Allah subhanahu wa ta'ala ». Et Al-Abbas, le fils d'Abdul Muttalib, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré que c'est son oncle, il ne peut rien faire pour lui, hein, pour, auprès d'Allah. Donc, comment il pourrait faire quelque chose ou aider quelqu'un d'autre que son oncle, yani quelqu'un d'autre en dehors de lui. C'est encore moins possible s'il est plus éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Lahab, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Lui aussi c'était un des oncles, mais il a refusé d'entrer dans l'islam, et il est resté sur le shirk, et il a fait beaucoup de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur lui une surah qui va rester, qui va continuer d'être récitée jusqu'au jour dernier. C'est surat, c'est quoi, Al-Masad, Al-Masad. Donc ça dit, tabbat yada Abi Lahab wa tab, malheur soit sur Abi Lahab. Et Watab, on a dit Al-Khasar, ça veut dire qu'il va être perdant, hein, la perte totale. Et il ne peut, c'est bien, et tout ce qu'il a accumulé, ça ne va rien lui servir au jugement dernier. Il va brûler dans les feux où il y a les flammes, et sa femme qui va transporter le bois, et dans son cou, elle va avoir une corde. Comme de paille ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Le Masad, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai oublié. Un collier de pika, c'est avec ça qu'elle va tirer le bois. Ah, ok. Barakallahu fik. Donc, comme le frère, il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière, eh bien, elle mettait ça à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pour que ça pique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va lui mettre ça dans le cou au jugement dernier. Des branches épineuses, c'est ça. Et Allah nous ta'ala. Donc c'est vraiment méchant, qu'est-ce que ces gens-là pouvaient faire pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout, on voit que ça c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il était toutefois, c'était un kafir. Hein? Et ça ne lui a servi, le fait d'être son oncle et le fait d'être proche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui a servi à rien. La même chose pour Abu Talib, lui aussi il était un proche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement qu'il était un proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wa, il l'a protégé contre Quraysh, hein, il l'a protégé quand il faisait sa da'wa, il l'a défendu aussi, hein, mais lorsqu'il a refusé de se convertir à l'islam, et qu'il a dit, je suis sur la religion de Abdul Muttalib, hein, de son père, eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset, hein, le verset 113 dans surat Tawbah, pour lui interdire de demander le pardon pour les mushrikins, s'il meurt dans le shirk. Il n'est pas permis pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni pour les croyants, de demander pardon pour les mushrikins, même si ce sont les plus proches de sa famille, après que ça a été clair que ce sont des gens de l'enfer. Donc on n'a pas le droit de demander pardon aux mushrikins et aux kuffars après leur mort. n'a pas demandé, on n'a pas le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner, les mushrikines et les kuffars, quand ils sont morts dans le kuffar. Hein? Même Ibrahim, hein, il avait demandé cette permission-là. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé la permission de demander pardon pour sa propre mère, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas permis. Hein? Donc, et la même chose pour son oncle. Donc, c'est pas permis de demander pardon pour un mushrik lorsqu'il est mort dans le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 66 dans Surat al-Qasas, tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. ثم قال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عن لا أغني من الله أو لا أغني عنك من الله شيئا. Je ne peux, oh ma tante صفية, je ne peux rien faire pour te profiter ou t'aider au jugement dernier contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Et la même chose que pour son oncle. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ثم خص أقرب من هؤلاء وهي بنته وهي بضعة منه قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي يعني اطلبي مني شيئا أملكه وهو المال أما النجاة من النار هذه لا أملكها هذه لا أملكها. Donc même sa propre fille, c'est un morceau de lui. Hein? Il a dit, oh ma fille, Fatima, fille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, demande-moi ce que tu veux de mes biens. Hein? Demande-moi ce que je possède. Mais en ce qui concerne le salut et te sauver de l'enfer, ça, je ne le possède pas. Hein? Ça veut dire, je ne peux rien faire pour te protéger contre le châtiment d'Allah. أما الآخرة والنجاة من النار والدخول في الجنة فهذا إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى ويحصل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآخرة d'être sauvé de l'enfer, de rentrer au paradis, ça c'est uniquement à Allah qu'il faut le demander, et tu peux uniquement y arriver en obéissant à Allah et en obéissant au messager صلى الله عليه وسلم. Même si quelqu'un, par exemple, un chrétien, un juif, un mushrik, bouddhiste ou hindou, il se tient devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jour et nuit, pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après dans sa tombe, protège-moi du feu de l'enfer, protège-moi du feu de l'enfer, et qu'il reste mushrik, hein, ça va rien faire pour lui. Et même s'il est musulman, puis il fait ça, ça va rien faire pour lui. La seule façon, c'est d'obéir à Allah et obéir au prophète. Et si tu obéis à Allah et tu obéis au prophète et que tu ne demandes rien au prophète, tu demandes juste à Allah subhanahu wa ta'ala, déjà ça va te faire mériter le paradis. Hein? Et l'intercession du prophète au jugement dernier, c'est pas en la demandant au prophète que tu vas la voir. C'est en la demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est en faisant les actions qui vont te faire mériter cette intercession-là que tu vas l'avoir. Mais c'est pas en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu vas l'avoir. Parce que si tu demandes au prophète sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier d'intercéder pour toi, hein, le jour où tout le monde va être réuni devant le jugement dernier, hein, devant Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire intercède pour moi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'as pas respecté le tawhid, tu n'as pas appliqué le tawhid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra rien faire pour toi. Même si un bouddhiste arrive devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier, il ne pourra rien faire pour lui, parce qu'il est mort dans le shirk. Hein? Mais même dans cette dunya, tu ne peux pas demander maintenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de t'intercéder pour toi, parce que après sa mort, c'est fini. On n'a plus le droit de l'invoquer ou de lui demander quoi que ce soit. Durant sa vie, quand les Sahaba étaient en vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui demandaient de faire du'a pour eux. Ça c'est correct. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils ne demandaient plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est pas possible après sa mort, c'est uniquement durant sa vie, hein, ou au jugement dernier, mais pas maintenant, on peut pas, hein. Et on a un chapitre qui s'en vient bientôt, inshallah, dans deux chapitres, qui va parler uniquement de al-shafa'a en détail. Donc on n'a pas besoin de passer par devant, mais on va l'expliquer plus tard. Al-Qasas, le numéro 66. Tu ne peux pas guider ceux que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc, ah, c'est peut-être ils n'ont pas bien cité le numéro du verset. En tout cas, si je le retrouve après, je vais te le dire, le verset. Il est mentionné quelque part avant dans le chapitre. Donc, qu'est-ce qu'il dit par la suite le cheikh ? Il dit « انظر كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم أولا جميع قريش ثم خص عمه وعمته ثم خص بنته فهذا بيان واضح بأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك النجاة والإنقاذ من النار لمن هم أقرب الناس إليه قبيلته قريش وعمه وعمته إخوان أبيه بل ولده عمم وخصص صلى الله عليه وسلم في هذا فأين من يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم هذا فيه دليل على مسألة مهمة وهي أنه لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين لأنه لا يغني عن عند الله شيئا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون هذا عام في كل الناس وقرابات الأنبياء وغيرهم قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالاعتبار بالتقوى لا بالنسب النسب إنما يستعمل في الدنيا لتعرفوا يعرف بعضكم بعضا كل يعرف بقرابته وقبيلته أما في الآخرة فلا أنساب بينهم لا يبقى إلا الأعمال فقط وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فالله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده إلا العمل الصالح le cheikh dit regardez comment le prophète صلى الله عليه وسلم a commencé d'une façon générale puis il a parlé à toute sa tribu puis par la suite il a spécifié son oncle et sa tante puis par la suite sa fille et regardez donc, ça c'est clair et ça nous montre clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède pas le moyen de nous sauver hein, et de nous aider et de nous sortir du feu, hein, même si on est les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa tribu, Quraysh, son oncle et sa tante, qui sont les frères de son père, hein, et les frères et les sœurs de son père, et même son enfant, il ne peut rien faire pour eux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par la suite de celui qui dit comme dans son poème, comme Al-Burda, comme on a mentionné plusieurs fois, « Ya akram al-khalq, ma li man aluzu bihi siwak, inda hulul hadith al-imami » Il dit dans ce poème que les gens récitent à chaque année lors de la fête, soi-disant quand ils célèbrent la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est une bid'a et qui est interdit, il rajoute encore plus de gravité à cette bid'a en faisant du shirk dedans et en citant des poésies comme celle-là, Al-Burda, dans laquelle on lit « Ya akram al-khalq, ma li man alouzu bihi siwak »« Ma li man alouzu bihi siwak »« Inda hulul al-hadith al-imami » Ça c'est quoi ça? Ça c'est shirk. Il dit, ô toi la plus noble des créatures, je n'ai personne en qui chercher le refuge autre que toi, lors de la grande événement, hein, le jugement dernier, j'aurai personne, hein, vers qui me tourner autre que toi. Ça c'est shirk. Parce que c'est seulement à Allah que tu as le droit de dire quelque chose comme ça, pas à une créature, pas à un être humain, peu importe quel d'entre les prophètes il peut être. Hein? Donc ça c'est un exemple des gens qui n'ont pas compris le tawhid, et ça c'est les soufis en général qui récitent ces poèmes-là. Et ils chantent ça chaque année comme si c'est une chanson, et ils ne s'imaginent même pas qu'ils sont en train de récolter des péchés en récitant des choses pareilles. Et non seulement ça, mais ils tombent dans le shirk. Le shirk al-akbar, al-mukhrij min al-islam. C'est pas une petite blague, c'est quelque chose de grave. Et ces livres-là sont vendus dans les librairies islamiques. Vous imaginez des librairies islamiques qui appellent au shirk et qui vendent des livres de shirk. Donc si c'est ça les librairies islamiques, alors on n'a plus besoin de librairies islamiques si c'est le cas. Ils vendent du shirk. A'oudoubillah. Tout pour faire de l'argent. Tout pour faire de l'argent. Hein? Même de vendre ad-dalal. Ça c'est grave. Et le chef ensuite il dit, il y a un point important aussi, c'est que donc on n'a pas le droit de se baser sur les liens de parenté et sur les proches, le fait qu'on est proche, on a des liens de parenté, ça ne va rien faire pour toi au jugement dernier. Même si tes proches c'est des prophètes ou des salihins ou des hommes pieux, comme on a dit tout à l'heure, ceux qui disent mon grand-père était un grand imam, et alors, toi, qu'est-ce que tu fais, hein? Et souvent peut-être c'était même pas un grand imam, lui il pense que c'était un grand imam, Allahu a'lam, peut-être c'était un moubtadi'. Ils ne savent pas. Que Allah nous protège. Et après, le cheikh, il dit, dans le verset 101 dans Surat al-Mu'minun, qu'il dit, lorsqu'on va souffler dans la trompe au jugement dernier, dans la trompette, ou dans la trompe, il n'y aura plus aucun lien de parenté entre eux. Ce jour-là. Oui, 101 dans Surat al-Mu'minun. C'est-à-dire, au jugement dernier, ça, c'est fini. Tes parents, tes frères, tes soeurs, tout ça, ça n'existe plus, ça, les liens de parenté au jugement dernier. Il n'y en a plus. Hein? Et il dit, هذا عام, فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Et ils ne vont pas se demander des questions. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. Il y a plein de versets comme ça dans le Coran. Après, il dit, et donc ça, c'est général pour tout le monde, tous les liens de parenté, que ce soit pour les prophètes ou pour autre que les prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a pas fait les œuvres, hein, c'est comme si pour dire que ces liens de parenté vont rien lui servir au jugement dernier. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh vous les hommes, nous vous avons créé hommes et femmes, ou mâles et femelles, et nous vous avons fait en peuple et en tribu, pour que vous puissiez vous reconnaître entre vous, hein, mais la plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est, ou bien pour Allah, c'est la personne qui a plus de taqwa, c'est-à-dire qui a plus de crainte, et plus qui se rapproche le plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'important c'est taqwa, et non pas les liens de parenté. Les liens de parenté au jugement dernier, ça va rien pouvoir faire pour toi. C'est ça, les liens de parenté, c'est seulement pour la dunya. Mais dans l'autre vie, dans l'autre monde, ça peut rien faire pour toi. 56, c'est pas 66. Donc, oui, c'est ça. Il n'a qu'à la tahdi, mon ahmad. Non, c'est celle-là, 56. Non, c'est celle-là. Là, il n'a qu'à la tahdi, mon ahmad. Parce que c'était écrit 56, mais c'est 66, mais c'est 56. Barakallahu fik. Donc, le cheikh, il dit que l'ita'arafu, hein, parce que les liens de parenté, c'est uniquement utile dans cette dunya. On les utilise seulement dans ce monde. Mais dans l'autre monde, après la mort, les liens de parenté, ça ne servira plus à rien. Ok? Ça ne servira plus à rien. Et c'est uniquement tes actions, ta foi et tes actions qui vont être utiles pour toi au jugement dernier. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset dans le Coran, ce ne sont pas ni vos biens, ni vos enfants qui vont vous rapprocher plus d'Allah, mais uniquement celui qui a cru et qui a fait les bonnes œuvres. Hein? فالله ينفع عنده لا ينفع عنده إلا العمل الصالح. Donc c'est seulement les bonnes œuvres qui peut profiter avec la foi et les bonnes œuvres bien sûr. Après dit وقال الخليل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول بعضهم أنا من أهل البيت ويتكل على هذا ويحفل بالأعمال الصالحة ولا يحفل بالأعمال الصالحة. يظن أن كونه من أهل البيت يكفي، وهذا غرور من الشيطان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابنته سيدة النساء العالمين، يقول لها سليمي من مالك من مال أو من مالي ما شئت، وعليكم السلام ورحمة الله، لا أغني عنك من الله شيئا، وهي بنته، أليست هي مقدمة أهل البيت؟ لا أغني عنك من الله شيئا. يعني فكيف يأتي من يأتي ويقول أنا من أهل البيت ويتكل على هذا ويتبرك الناس به ويتمسحون به ويلحسون أقدامه ويظنون أن هذا ينجيهم من عذاب الله؟ هذا باطل وغرور، لا نجاة ولا نجاة إلا بالأعمال الصالحة. الشيخ يزيد بوين ici qui est très intéressant. Il dit que Ibrahim, dans le Coran, Allah le cite en disant « Le jour où rien ne profitera personne, excepté, ni les biens ni les enfants ne leur profitera, excepté celui qui est venu à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. » Dans Shu'ara, le verset 88-89. Et certaines personnes, souvent tu les entends qui disent « Moi je fais partie d'Ahlul Bayt. » C'est-à-dire, moi je fais partie des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt. Ou bien, on les appelle parfois Ashraf dans certains pays. Anamina al-Ashraf. Je suis des descendants de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa famille. Hein? Et ça, le cheikh il dit, tu vois, il se base là-dessus. Il se base là-dessus pour croire que ça y est. Alors, je suis Ahlul Bayt, je suis sauvé. Et tu vois qu'il ne fait pas de prière, il ne fait pas de jeûne, il ne pratique rien de la religion. Il se base juste sur le fait qu'il est d'Ahlul Bayt. Et il dit que ça c'est une tromperie du shaitan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa propre fille, qui est la chef des filles de ce monde, que je ne peux rien faire. Demande-moi ce que tu veux de mes biens, mais je ne peux rien faire pour toi au jugement dernier. Alors que c'est sa propre fille, et c'est elle qui est en premier d'Ahlul Bayt. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par la suite de ceux qui ne sont pas de sa famille, hein, et de, ou bien de ceux qui sont de sa famille très très très éloignés, comme ceux qui prétendent aujourd'hui faire partie d'Ahlul Bayt, alors que peut-être que même que tu peux même pas être certain est-ce qu'ils sont réellement d'Ahlul Bayt, ils font juste le prétendre. Et tu vois qu'il y a des gens qui vont vers eux, hein, et qui cherchent la baraka de ces gens-là. Ils vont essayer de les toucher, de les frotter, de toucher leur, de frotter leurs pieds ou des choses comme ça. Et ils croient que en faisant ça, yani, ils ont une baraka en faisant ça. Et yani, ils ne font pas de prière, pas de jeûne. Des fois, tu les vois, ils sont même pas des gens religieux. Yani. Ils pensent que ça y est, le fait d'être de Ahlul Bayt, ils sont sauvés et ils vont aller au paradis. Donc, ça c'est une pensée qu'ils ont, mais en réalité, ça peut pas les sauver de l'enfer et du châtiment d'Allah, et c'est une fausse pensée. Parce que c'est uniquement la foi et les bonnes œuvres qui peuvent sauver quelqu'un. وأنا أبو لهب وأبو طالب وهم أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم ولما لم يؤمنوا لم ينفعهم قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بلال وعمار بن يسار وصهيب وخباب من موالي وصاروا من سادات المهاجرين ومن سادات المؤمنين وما ضرهم عنهم موالي أن ما ضرهم أنهم موالي. وقال في سلمان الفارسي سلمان منا أهل البيت رضي الله تعالى عن الجميع والسبب الإيمان والعمل الصالح. فمجرد قول الرجل من أهل البيت أو من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عنه شيئا ولا ينفعه شيئا، كما لم ينفع أبا طالب وأبا لهب وغيرهم من عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمنوا، بل إن بعض الغلاة يقول إن التسمي بمحمد صلى الله عليه وسلم يكفي. عليكم السلام ورحمة الله. يقول صاحب البردة: فإن لي ذمة منه بالتسمي بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم. كم الشيخ يزيك، regardez بلال، بلال بن رباح، regardez عمار بن ياسر، regardez سهيل خباب، c'était des esclaves. Mais ils sont devenus parmi les chefs, les plus élevés, les plus importants des muhajirines, les plus importants parmi les mu'minines. Et le fait qu'ils étaient des esclaves, ça ne les a pas nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Salman al-Farisi, qui était un esclave, qui venait de la Perse, et bien il a dit qu'il faisait partie d'Ahlul Bayt, malgré qu'il n'était pas d'Ahlul Bayt par sa généalogie. Et ça montre que l'important c'est la foi et les bonnes œuvres. Donc le fait que quelqu'un vient d'une famille ou qu'il est proche de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien ça peut rien faire pour lui au jugement dernier, comme ça ne peut pas aider Abu Talib, ni Abu Lahab, ni personne d'autre des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'ont pas cru. Et qu'il y a des extrémistes et des gens qui ont exagéré là-dedans, qui ont même cru que le fait de s'appeler par le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça va te sauver au jugement dernier, comme celui qui a écrit Al-Burda, il pense que le fait de s'appeler par ce nom-là, ça va le profiter au jugement dernier. ولا ينفع عند الله إلا العمل الصالح ولا الأسماء ولا القبائل ولا شرف النسب كل الإنسان من بيت النبوة كل هذا لا ينفع إلا مع العمل الصالح والاستقامة على دين الله. Donc le fait que c'est la seule chose qui peut t'aider, c'est de faire des bonnes œuvres. C'est pas ton nom, c'est pas ta tribu, c'est pas la noblesse de ta lignée, le fait que tu sois de la descendance de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça ne peut rien faire pour toi. C'est seulement tes bonnes œuvres, ta foi, tes bonnes œuvres, et le fait que tu t'es accroché et t'es resté sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت مع العمل الصالح لها فضل لا شك فيه، فأهل البيت الصالحون المستقيمون على دين الله لهم حق، لهم شرف ولهم كرامة، ويجب الوفاء بحقهم طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بقرابته وأهل بيته، ولكن يريد القرابة وأهل البيت المستقيمين على طاعة الله. أما المخرف والدجال والمشعوذ الذي يتعمل على قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه في العمل مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يغنيه شيئا عند الله، ولو كان هذا ينفع لنفع أبا لهب ونفع أبا طالب ونفع غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله وهم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن يتنبه لهذا. Donc il dit, oui, c'est vrai, si quelqu'un est dans la famille du prophète صلى الله عليه وسلم ou descendant du prophète صلى الله عليه وسلم et qu'il a fait les bonnes œuvres et qu'il a la bonne foi, c'est vrai qu'il a un mérite, il n'y a pas de doute là-dedans. Les gens qui sont pieux parmi les descendants du prophète صلى الله عليه وسلم, qui sont sur le droit chemin et qui sont droits sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont un droit, ils ont une noblesse, il n'y a pas de doute qu'ils doivent être honorés et qu'on doit respecter le droit qu'ils ont sur nous, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de respecter le droit, ce droit-là. Et il nous a demandé de veiller en bien sur sa famille et sur ses descendants. Mais il veut parler de ses descendants et de sa famille qui sont sur la religion d'Allah. Mais ceux qui sont des déviés, des menteurs, des gens qui font du charlatanisme, qui trompent les gens, qui font toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam, contraires au fondement de l'islam, ceux-là, le fait qu'ils soient des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils continuent à contredire l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut rien faire pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et si ça pouvait faire quelque chose pour eux, alors ça aurait fait quelque chose pour Abu Lahab et Abu Talib, qui sont des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne les a pas aidés puisqu'ils n'ont pas accepté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça prouve que le fait d'être de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut pas t'aider si tu n'as pas la foi et les bonnes œuvres. Et ça, c'est une réfutation des gens qui utilisent ce privilège, ce prétexte. Hein, il y en a beaucoup de soufis, ils manipulent les ignorants et les pauvres parmi les musulmans dans les pays musulmans, et qu'ils disent qu'ils sont des ashraf et qu'ils sont des Ahlul Bayt, et qui vont manipuler ou essayer de contrôler les gens, utiliser ça pour avoir une autorité et prendre leur argent et s'enrichir sur le dos des gens au nom de ça. Alors qu'ils ne sont pas sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah l'a ordonné. Donc ça c'est des gens hein, qui ont contredit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc ils n'ont pas le droit à ce mérite-là. Hein. Et le cheikh il dit pour terminer, فهذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة كما ذكرت. المسألة الأولى المبادرة إلى تنفيذ أمر الله، وأن الإنسان لا يتواني عن ذلك أو في ذلك. المسألة الثانية أن الداعية يبدأ بأقرب الناس إليه بأهل بيته أولا. المسألة الثالثة أنه لا يجوز الاعتماد على الأشخاص والأولياء والصالحين واعتماد واعتقاد أنهم يقربون إلى الله، بل على الإنسان أن يعمل لنفسه وأن يتقي الله في نفسه وأن يتقرب إلى الله مباشرة بدون واسطة أحد، لأن الله قريب مجيب. والمسألة الرابعة وهي مهمة جدا، أن الانتساب إلى أهل البيت أو القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع إلا مع العمل الصالح، أما بدون ذلك فإنها لا تنفع عند الله، والواجب أن يتنبه المسلمون لهذه الأمور أو لهذا الأمور. Donc le cheikh il a résumé les bienfaits de ce hadith ou les points importants de ce hadith en quatre points. Il a commencé par dire que premièrement, on a appris dans ce hadith qu'il ne faut pas attendre pour mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas attendre pour appliquer. Deuxièmement, qu'on doit commencer par appeler les gens qui sont plus proches de nous, par notre famille en premier. Troisièmement, il n'est pas permis de dépendre ou de se reposer ou de s'accrocher aux êtres humains, que ce soit des awliya ou des salihin, des hommes pieux, hein, ou de croire que ces êtres-là peuvent nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain doit agir pour lui-même et appeler Allah subhanahu wa ta'ala directement, et craindre Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même, et se rapprocher directement d'Allah sans intermédiaire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est proche et il nous entend quand on l'invoque, donc on n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour aller à lui. Et quatrièmement, et c'est très important, c'est que le fait d'appartenir à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ça ne peut pas te servir au jugement dernier si tu n'as pas eu la foi et les bonnes œuvres. Hein? Et ça c'est très important de comprendre ça. Donc ça c'est la fin de ce chapitre, chapitre 15, et là demain Inch'Allah on va commencer le chapitre 16, Inch'Allah, et puis donc Alhamdulillah, on va s'arrêter ici Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. وإياكم. وي. par la famille.